S'écrire dans ce feu. I feel what? toi, j'avais mesure de son illumination. Le sang de l'arbre et son levain, pour toi et moi, l'œuvre de Dieu, qui nous demande les signes de notre alliance. Quelle saison qui en deçà des mondes foudroie le sang pour y brûler les purs. Sa perdition tentée, cela ne veut pas se dire. Le repère infiniment double, son miroir, si les larmes, la tâche et le passage que la tradition fonda. Ces illustrations saintes que dicta le noir, le regret noir qui brûle, ces livres, paresse pour la mienne. Je m'éloigne de ta face, je l'ai écrit, dédié, paresse pour l'avènement d'une histoire que retrouverait Dieu et son poète. Mais as-tu oublié le silence meurtrier que tu fis sur notre amitié? Avec la tentation, je ne t'ai point frappé. porte s'ouvre et le ciel a changé. Amour, retrouvons le lieu révélé. Le valet de trèfle meurt. Il fut la porte d'un premier rêve, mais l'effigie d'un jeu. L'étoile du vaisseau, le labyrinthe de l'aveugle. Quand je décline un nom que l'Égypte promet dans le texte mortuaire fauve, où je perds la lunette que tu m'as donnée. L'autre aussi. L'entrée de ces ports. Qui donc recompose le nom du rien que celle qui a femme en ce pays? Qui ferme le livre? Le jour de l'été, avec le sang de l'épouse exilée. Car je peux encore te voir dans la langue des premiers oiseaux, comme sentant le livre des voix que je recompose à minuit. Le livre ici est prophétie. Pour halluciner, passe le poète errant qui demande à la fée son anneau et je tairai son nom. Que je conjugue encore le soir parmi les cierges verts. La sainte et sa magie, je les croise dans l'éther. Je note les propos célestes et mon désir s'abreuve. Des listes sans limite, les parfums qui vont guérir chaque mot. La prière, j'envoie le chantier. Il revient avec compassion, citant la flamme close de chacun. Je peux voir le pays de notre aventure. Thank you. passage, même vers le pays que je savais n'être pas où. Je revêtis l'image qu'elle fut. J'errais près de la tour Saint-Jacques le soir, sachant que là, les portes s'ouvriraient d'elles-mêmes. Je me tenais à l'Orient et, murmurant son nom, je vis la mer cachée, puis le vaisseau qui devait m'attendre. Il avait son nom d'une langue inconnue. Un glaive blanc dessiné à sa proue indiquait sa mission, le sens qui me restait à redécouvrir dans le voyage. Oh, murmurant encore son nom, je partis. Je retrouvais des lieux familiers, mais dans une lumière différente et dans une géographie étrangère à ce que je connus. Je voyais à l'extérieur ce qui m'était tout intérieur. Île dans la mer blanche que je traversais jusqu'à l'heure où je vis ma compagne comprenant l'enfer de ce pays, là, par la dite vision, allant marier. Allant par lune verte, l'ange du livre, sous le vent, et toi, l'étoile nue. Que l'histoire décide dans l'arc du temps, quand le royaume est ma seigneurie, et que tu l'es. Défunte, mais l'être demeurant le signe vivant de l'adieu. Et j'ai prié en cette terre, j'y bâtis la demeure d'immobilité, celle de l'écrit. Quand le ciel se délivre et s'arc pour un pays de la mort, j'y ai vu les ailes de mes proches et leurs vêtements coloraient leur action, et j'ai parlé aux ombres, une fée vain dont je ne peux dire le nom caché. Les étoiles, et quand il est célébré, il l'a fait apparaître pour moi dans ma chambre de destination et la tour où, contre l'apparence, j'ai toujours habité. Ce peu éclairé de nos voix, ma chevalière est une fée qui me rappelle le serment que m'ouvrit la porte de ce monde caché que je vois maintenant comme par terre. Théophanie sacrée. Elle est ma justice et me suit en enfer. Là, elle se cache dans mon désir. Et ce désir, même qui s'incarne, une terre que l'on aurait exaucée, qui est le double, l'âge sans figure, sous l'homme près duquel tu te soumets. Thank you. dans le golfe de Gênes, vers la fin de la nuit. Alors que la lune change de rive et qu'il n'y a plus de vent. Je comprends. Le lieu vierge. Je comprends. Le souffle devient vertu dans la barre qui l'affirme. Thank you. croyais à mon amour. Le poème. La coupe de café crème. Le livre institué. Thank you. verbalement conçu, alors que dame, la verbe et la soleil recelaient, alors que du temps, la jésure restituait le féminin. Une arbre l'affrait tant en cela que l'âme et son propre tracé le soir tressaille l'origine. Comme anticipation jamais close, chose conçue. Dans la frêlure qu'entr'ouvre la motivation, au pont qui l'a bandé, encore s'entr'ouvre qui l'a frêlé, cette origine, dans son mensonge, le sein de la femme, il a verbalement conçu, alors que dame, la verbe et la soleil recelaient, alors que du temps la jésure réinstituait le féminin. Une arbre l'affrétant en cela que l'âme et son propre tracé le soir tressaillent l'origine. Comme anticipation, jamais close, chose conçue. Vivre Orphée, Orphée, vivre noble, noble Orphée, ou le chant du chant dans le chant même. Et le sang dépassé que dépasse le poète premier de l'homme dans l'homme, poète même l'aube du poète de l'aube, solitude impartageable. Seul, impartagé, seul, le cri inoubliable, le cri, le vertige du cri. Pour prime, larme d'annonce, larme future, et découvrant, inconnue, connétable du lieu, l'espérance vraie, de lieu créé, le lieu fermé, vaincu par femme, et le futur noble, dans le jeûne du futur mémorial. Route d'espérance, le gel immaculé, que le gel conçut lui-même seul. de nuit sanguine. Je mesure le nu, le pays lointain du nu, l'aube, nature morte, l'aube, le sang de l'aube, dans le nu, toute une nuit lointaine. Âge nocturne de ce nu, multiple d'Orphée, Eurydice vive, nocturne, l'or par là. Âge de nuit sanguine, je mesure le cri, le pays lointain du cri, l'aube, le nu, nature morte, le sang de ton cri, dans le nu, toute une nuit lointaine. Comme il se doit de mourir, comme un ange, je me dois de mourir moi-même. Il se doit son mourir, son ange est de mourir comme